Bonjour, je m'appelle Anne Bergeron. Je suis une artiste peintre. Je fais de l'huile à la pointe de la spatule. Je suis présentement à la boîte de cadeaux de Dodswell, qui est le 15 et 16 novembre. J'ai une boutique atelier aussi sur la 255 Nord à Dodswell. Vous êtes les bienvenus. Et mon site web, c'est le anne-bergeron.com. Il y a un autre événement aussi qui s'en vient. Cet événement-là, c'est le 6 décembre à Linwick. Ce que je fais principalement, c'est beaucoup de paysages avec des granges. Il y a aussi de la récupération de bois. Et quand ma palette commence à sécher, bien là, je lui fais des petites miniatures. Ça fait double récupération. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Au revoir.